50 languages. 47. 47. 47. التحضير للسفر. Les préparations de voyage. Les préparations de voyage. عليك أن تحزمي حقيبتنا. Tu dois faire notre valise. Tu dois faire notre valise. إياك أن تنسي شيئاً. Tu ne dois rien oublier. Tu ne dois rien oublier. إنك تحتاجين إلى حقيبة كبيرة. Tu as besoin d'une grande valise. Tu as besoin d'une grande valise. لا تنسي جواز السفر. N'oublie pas ton passeport. N'oublie pas ton passeport. لا تنسي تذكرة الطائرة. N'oublie pas ton billet d'avion. N'oublie pas ton billet d'avion. لا تنسي الشيكات السياحية. N'oublie pas tes chèques de voyage. N'oublie pas tes chèques de voyage. خذ المرهم الواقي من الشمس. Amène la crème solaire. Amène la crème solaire. خذي معك النظارات الشمسية. Amène les lunettes de soleil. Amène les lunettes de soleil. خذي قبعة تحميك من الشمس. Amène le chapeau de soleil. Amène le chapeau de soleil. هل تريد خريطة للطريق؟ Veux-tu amener une carte routière? Veux-tu amener une carte routière? هل تريد دليلا سياحيا؟ Veux-tu amener un guide de voyage? Veux-tu amener un guide de voyage? هل ستأخذ معك مظلة ضد المطر؟ Veux-tu amener un parapluie? Veux-tu amener un parapluie? لا تنسى السراويل والقمصان والكنزات. Pense aux pantalons, aux chemises et aux chaussettes. Pense aux pantalons, aux chemises et aux chaussettes. لا تنسى رباط العنق والحزام والسترة. Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons. Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons. لا تنسى ملابس وقمصان النوم والقمصان الداخلية. Pense aux pyjamas, aux chemises de nuit et aux t-shirts. Pense aux pyjamas, aux chemises de nuit et aux t-shirts. أنت بحاجة إلى أحذية وصندل وجزمة. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. أنت بحاجة إلى محارم وصابون ومقص للأظافر. Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongles. Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongles. أنت بحاجة إلى مشط وفرشاة ومعجون أسنان. Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents et du dentifrice. Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents et du dentifrice.